Je pense qu'il y a déjà, il y a déjà un travail de réflexion qui a été mené qui est intéressant. Il en reste encore à faire. Moi, j'ai encore beaucoup d'interrogations par rapport justement à ce phénomène d'aller vers, puisque je trouve qu'on est un peu à contre-courant en fait, de ce qui peut se pratiquer, c'est-à-dire les institutions qui ne viennent plus sur les maisons de quartier, qui ne viennent plus à la rencontre des habitants, qui ne leur facilitent pas la tâche. Et du coup, nous, d'un autre côté, travers sociaux, on nous demande de faire cet aller vers. Donc il y a un petit peu un décalage, mais qui, je pense, est intéressant justement de mettre à plat et de retravailler ensemble pour savoir quelles sont les missions de chacun. Parce que l'aller vers, comme on le disait, il y a vraiment une question de posture qui est très importante et qui n'est vraiment pas à négliger. Après, je pense que c'est quand même intéressant qu'on parte au niveau local, qu'on expérimente un petit peu à notre échelle. Et c'est très actuel, en fait, l'aller vers, c'est un peu, on va dire, c'est un peu tendance. Ça peut effectivement créer une émulation et puis après échanger effectivement sur les pratiques. J'attends de voir un petit peu quand même comment ça peut se mettre en place, mais c'est relativement intéressant. Ouais.